Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ في هذا اليوم في قراءة هذه الرسالة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. On commence aujourd'hui la lecture de cette risala de Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Si'di rahimahullah ta'ala, al-Barahin al-Aqliya ala wahdaniyati al-Rabb wa wujuhi kamalih. Et c'est une risala très très importante fi babin azim, وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله pour montrer البراهين, le pluriel de burhan, ça ressemble au mot dalil, le pluriel adilla, العقلية, et des preuves de la raison, des preuves rationnelles, على وحدانية الرب, أي des preuves, أي en s'appuyant sur la raison, sur l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى. هذه الطريقة من طريقة طيبة. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ملاحدة. هؤلاء les athées qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses livres, en ses messagers, alayhim salatu salam, on doit leur faire da'wa. La da'wa, c'est pas que pour ceux qui croient. Là, ben, la da'wa, c'est pour ceux qui ne croient pas, kadalik pour ceux qui croient, pour ceux qui ont des faiblesses, kadalik pour ceux qui croient, et c'est un rappel pour eux. Ala kulli hal, la da'wa, c'est pour tout le monde. Et al-anbiya wa al-rusul, ils faisaient da'wa à tout le monde. فلهذا ce genre de livre, ça nous aidera بإذن الله عز وجل à pouvoir faire parvenir هذا الحق qui est fondé sur le Coran et sur le Sunna, et le point le plus important, la base de notre din, التوحيد, à هؤلاء الملاحدة. Et on vit à une époque où الإلحاد انتشر. الإلحاد, c'est la mécréance. الكفر, l'athéisme. الملحد, c'est... Bien sûr, il y a plusieurs sens qu'on a vus ensemble dans le Qa'id al-Mutla et dans nos Dorous, dans l'Aqida sur Al-Ilhad, dans les noms et dans les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Mais là, Al-Ilhad que Cheikh il citera dans cette liste-là, c'est Al-Ilhad et Al-Kufr. Al-Kufr et ceux qui ne croient pas du tout. بعض الناس عيادن بالله لا يؤمنون برب ولا بإله. Ils n'ont plus de croyance. لا يؤمنون أن هناك un créateur. ملاحدة. Et on vit dans une époque où هذا الإلحاد انتشر. قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا, أي ceux qui ne croient pas au signe, au verset d'Allah سبحانه وتعالى. الآيات, ça peut être des آيات كونية أو الآيات الشرعية. Tu trouves بعض الملاحدة يكفرون بجميع الآيات. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur et l'akhiré, wa kadhalik la yu'minun anna hadha al-Qur'an c'est la parole d'Allah, wa la yu'minun bil rasul. Haula qala azza wa jalla innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna 'alayna. Allah subhanahu wa ta'ala il les voit. C'est lui qui les a créés, subhanahu. Il sait ce qu'ils font. Ils rendront des comptes. Fa li hadha qala azza wa jalla afaman yulqa fi an-nar khayrun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah. Est-ce que celui qui sera jeté dans le feu, خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِ آمِنًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Ah, là, c'est pour montrer la différence entre le croyant et le non-croyant. الْكَافِرَ الْمُجْرِمِ. أَفَمَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِ آمِنًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Est-ce que celui qui sera jeté dans le feu le jour du jugement, il est comme celui qui sera en sécurité? C'est quoi la différence entre les deux cas? أن واحد آمن بالله وبرسله وبكتبه إلى آخره, et l'autre ما آمن. فلهذا قال عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا سينتبه pour المؤمن أن الله سبحانه وتعالى nous voit, il nous entend. Quoi que l'insan efface, il rendra des comptes un jour ou l'autre. فأنا في une époque كما قلنا أن أفكار الملاحدة وشبههم انتشرت جدا. On vit à une époque où هذا الإلحاد, l'athéisme, avec tout ce qui comporte comme mal, comme ambiguïté, il s'est beaucoup propagé. بعضهم مثلا يعتقدون أنهم ils sont libres, حرية. أنهم ils font ce qu'ils veulent. لا يؤمنون بإله ولا بالرب ولا بالشريعة. عندهم ils ont été créés, الله أعلم comment. Pour eux, هكذا, c'est la nature, c'est venu tout seul. Et ils n'ont aucune obligation à remplir pour l'au-delà. Ils ont certaines obligations par rapport à Dunya. Pour leur bien-être, ils pensent qu'à Dunya, Madiyoun, ils pensent qu'au matériel. Amma al-Akhira, l'invisible, l'au-delà, les comptes, le paradis, l'enfer, pourquoi ils ont été créés ? Hada la yu'minuna bi. Leur seul objectif, c'est Dunya. Et ils pensent qu'après ce bas monde, il n'y a plus de vie. هذا الفكر انتشر خاصة avec العلمانية et الديمقراطية, avec la laïcité, la démocratie. هذه الأفكار, ces principes corrompus, ces principes de kufr, أنهم ils ne donnent plus d'importance à la religion, mais ils combattent la religion. Et l'insan, il est libre, il a une vie à vivre, il doit profiter. Amma lui dire telle chose c'est halal, telle chose c'est haram, telle chose il faut faire, telle chose il ne peut pas faire, avec tout ce qui est lié au din, فلا يريدون. نعم بعضهم عيادا بالله ils ont des doutes في وجود الخالق. بعضهم ils ont des doutes فيما يتعلق بأمور الغيب à cause des شبه, à cause de هؤلاء الكفرة. لأن دعوة الإلحاد الآن elle est financée, elle est propagée, elle est répandue. فبعض الناس ils ont des doutes في وجود الخالق, sur l'existence d'Allah. D'autres ils ont des doutes sur umur al-ghayb. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il y a à la tombe? بعضهم عيادا بالله ils se posent la question, et si c'était pas vrai tout cela? هذا من الشك, ça c'est des doutes. Et ça c'est الثمره, c'est le fruit de شبه de هؤلاء الضلال الملاحده. نعم ومن أعظم أسباب ذلك, et parmi les plus grandes causes que هذا الإلحاد, que l'athéisme s'est propagé, c'est حب الدنيا والطمع والبعد عن العلم ومجالسة الأخيار وتقليد الكفار. Ça fait partie des principales causes. أن حب الدنيا, أي ceux qui sont attirés par الدنيا, ثم leurs efforts c'est que الدنيا, le cœur est durci, خاصة si الإنسان s'écarte du علم et s'écarte des bonnes fréquentations, as-salihoun, qui lui rappelleront certaines choses. L'insan, il s'écarte, il rentre vite dunya, hatta son cœur est durci. Rubama, une de ses choubas, les doutes sur l'au-delà, des doutes sur Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur, ça trouve une place dans son cœur. L'imam, l'insan, il récite plus le Coran, il fait plus salah, il fréquente plus le musulman. Il pense qu'au travail, il fréquente des ennemis de l'islam, et il les entend parler, ou l'insan est affaire. Au début, c'est lourd pour lui, thumma, ça devient une habitude, thumma, il accepte. Au pire, il ne rejette pas ce qu'ils disent. Et hada, c'est grave, ne pas rejeter la mécréance, c'est très très grave. Al-mu'min, il déteste la mécréance. Fama yakfur bil ta'ud, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Ça, c'est une condition, kama yadhkur al-ulama, pour que cette shahada azima qui fait rentrer vers l'islam, elle soit acceptée, elle soit valide. Détester le ta'out, et détester la mécréance, et rejeter la mécréance, et croire en Allah. La ilaha illallah. Et nakfur bi jami' al-aliha al-batila. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on déteste la mécréance, et on croit que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique. Celui qui mérite l'adoration seul. Azza wa jal. Pourquoi? Parce que c'est le créateur. المسؤولية العظيمة. On a une énorme responsabilité. Tous, que ce soit en tant que طلبة علم, en tant que دعاة الله, إلى الله عز وجل, en tant que مسلم, مؤمن, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que voisin, on a une مسؤولية عظيمة. هؤلاء الملاحدة يفون بوكو دي فور بور بروباجي لورز ايدي. تأملوا الآن ليبوك او كون في لي زيفور كي فون بور لا ليبرتي دو المجرمون أصحاب اللواط أو دو الكفرة اليهود والنصارى أو لي ديموكرات، مهم جميع أهل الشر لي زيفور كي فون بور بروباجي لورز ايدي اي بور بروباجي سيت سوا ديزون ليبرتي كي فول امبوزي ا تو الموند، اي سي دو إلحاد. لأن لور ليبرتي سيت ديموكراسي سيت لايسيتي سي Tu mets din de côté et chacun fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas imposer din. Les malades, tu ne peux pas imposer din. Et pourquoi il ne faut pas revenir au din? Parce que pour eux, c'est une chose mauvaise. Et ils ne veulent pas le dire clairement. Wa illa fala chacun, c'est ce qu'ils pensent. Wa illa, pourquoi ils combattraient cette chose? Had din al-azim. Fa nahnu, on a une mas'ouliya azima, on a une responsabilité. On vit à une époque, ba'd al-muslimin ta'atharu bi hadha al-fikr, et c'est devenu des athées. Il a eu minun. Hatta bil Rabb. On parle même plus l'un de bid'a ou de péché ou de ou encore plus grave de shirk. Les navards de nas, ils minun à Allah, ils croient en Allah, ils font du shirk. Et c'est très très grave. C'est très très grave. Khastan si shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Mais qu'il y a encore une chose plus grave ou aussi grave, un homme là, ils minun à bil Rabb. Bardohum. Tellement l'égarement, il s'est propagé. Ou had al fikr, il est rentré dans certains cœurs. Un homme ils ont des doutes. Et parfois, ils sont clairs. Là, pour eux, c'était qu'un mensonge, هذا l'islam. Donc, on a une mas'ouliya. On doit montrer din Allah al-haq. Et din Allah al-haq, il est fondé sur at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit montrer aqidat al-salaf al-salih. Même si ha'oula, les athées, les ennemis de l'islam, ils diront que tu es radicaliste, ils diront que tu es kada, esbir, et montre bil-hikmah. Et montre bi-rifq, et montre bi-ilm. Ou al-aqibatu lil-muttaqin. Et on doit avoir cette conviction. Là, si on montre cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous secourra comme il a secouru ses prophètes et ses messagers. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. On ne doit pas avoir de doute. Fi hada. Hada din, c'est une ni'ma. Hada din, c'est une ni'ma. Khassatan, quand tu réfléchis, tu médites sur la situation des gens. هذا سان عتي هذا سان جويف هذا سان كريتيان هذا سان مشرك هذا سان بوديست انت ولله الحمد tu es على او tu es في نعمة عظيمة تؤمن بالله وتعبد الله عز وجل وحده تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم et tu fais des efforts pour le suivre tu aimes les compagnons du prophète رضي الله تعالى عنهم et tu fais des efforts pour les suivre هذه النعمة. On doit la préserver, on doit faire des efforts pour être une cause, pour que les musulmans soient préservés. Mais idnillah, azza wa jal. Wal-ilmu hisnun azim. La science, qui est fondée sur le Coran et la sunna, c'est une protection, idnillah, azza wa jal, pour al-mu'min. Une protection contre quoi? Contre ce genre de shubha. Il y en a celui qui est à la yaqin. أن الله سبحانه وتعالى سي الخالق سي المعبود وحده جل وعلا إلي على يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سي رسول الهدى أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى والنور ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سي on est sûr والله الحمد on a aucun doute فبإذن الله عز وجل on sera préservé nous-mêmes et on sera une cause pour préserver les autres. فلهذا الشيخ السعدي رحمه الله إلى إكري هذه الرسالة النافعة. Pour le mu'min, هذه الرسالة, ces preuves. Vous allez voir que c'est pas des preuves du Coran et de la Sunna. Même bien sûr, il va appuyer avec des preuves du Coran. Il a plutôt appuyé avec des preuves du Coran et de la Sunna. لكن هذا الكلام الجميل que chaque عاقل il accepte, que ce soit un croyant ou un kafir, il accepte هذا الكلام. لماذا؟ لأن la raison elle l'accepte. Pour le mu'min, ça va lui faire monter sa foi. Ça va te rajouter du ilm sur ton ilm, de la certitude sur ta certitude. Kedalik, pour le mu'min, ça va être un silah azim. Fi bab ad-da'wati ila Allah. Azam silah pour le mu'min, c'est l'ilm al-shara'i. La meilleure arme pour le croyant, c'est la science. Apprends le Coran ou le sunnah. Et bi'idnillahi azza wa jal, tu seras un mujahid fi sabilillah. C'est pour ça que le kuffar, ils font tout pour nous écarter de hadha al-ilm, en salissant l'image des savants et l'image de la sunna. Donc, si on connaît ces preuves, البراهين العقلية سيبقى un moyen طيب pour pouvoir faire الدعوة إلى الله. Combien de frères ou de sœurs, ils ont des membres de leur famille, là, يؤمنون بالله. Et صحيح, أحيانا, tu trouves comme des obstacles pour leur montrer. لأن, si tu cites un dalil من القرآن, là, يؤمنون. Pour eux, la parole du Coran, elle n'a aucun poids, là, يؤمنون. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le comprendront pas, ils ne donneront pas d'importance. Avec هذه الأدلة, vous allez voir, qui sont fondés sur le Coran ou le Sunnah. Lakin avec ces arguments que la raison elle accepte, bi'idnillahi azza wa jal, ta hujja elle sera qawiyya. Ta preuve elle sera très très profitable. Elle sera très très difficile à rejeter, à repousser. Falihada, on conseille nos frères, al-inaya bihada. Al-inaya bihada, hatta kull wahid, bien sûr, on commence par les proches, par son entourage, on montre hada ad-din al-azim. Amma pour Al-Kafir, ce livre pour Al-Kafir, c'est un kafir, et il le lit, واحد qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit pas en ses messagers. La shak anna hadhihi al-barahin al-aqliya, s'il lit sincèrement, ou il écoute sincèrement, et il veut la vérité, et il ne repousse pas les choses claires, fa bi'innillahi azza wa jal, ça sera une cause pour qu'il accepte l'islam. Fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq. والسداد قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وسلم هذه محاضرة عظيمة محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله دونك هذه المحاضرة الله أعلم إذا كانت محاضرة كالشيخ إلى فت a eu une kalima, une conférence, un dars, ou c'est une risala qu'il a écrite, c'est sur ce sujet. Al-barahin al-aqliya a eu des preuves rationnelles, donc c'est pas, ça ne sera pas directement des preuves du Coran et de la Sunna, pour prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa perfection. Qala, i'lam. أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. C'est le sujet le plus important, أي التوحيد. لأن ces preuves rationnelles, c'est sur l'unicité, c'est sur le tawhid. Et هذا الباب, c'est أعظم الأبواب. كما قال الشيخ على الإطلاق. Donc on doit donner de l'importance à هذا العلم. On ne doit pas délaisser Hadal Ilm et s'occuper avec autre chose. Hadal Ilm, tu ne l'apprendras pas en 5 minutes, 10 minutes. Hadal Ilm, ça doit être la base dans notre da'wah. On ne doit pas se lasser. Livre après livre. Génération après génération. La bud wa al-wajib, c'est l'inaya bi hada. Pourquoi? Parce que c'est la voix des prophètes et des messagers. Qala wa hiya aham ma da'a ilayha. وهي أهم ما دعا إليه الرسل أممهم فكل رسول يقول لقومه عبد الله ما لكم من إله غيره. Chaque prophète, chaque messager, sa da'wa, elle était fondée sur هذا التوحيد. Et التوحيد, l'explication c'est ce verset. عبد الله, adorer Allah, ما لكم من إله غيره. Vous n'avez pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي, personne n'a le droit et ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. قال ويذكرون لأممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. هذا فيه أن هؤلاء الأنبياء والرسل ils ont montré à leur أمم لنود الله سبحانه وتعالى كذلك certains de ses attributs عز وجل كذلك أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne les bienfaits. وما بكم من نعمة فمن الله قال ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم. Donc c'est ça le but هذه البراهين العقلية وكذلك ما يتعلق بأدلة الربوبية. Tout cela c'est pour arriver à l'essentiel, أي ordonner à tout le monde d'adorer Allah سبحانه وتعالى seul. هذه هي دعوة الأنبياء كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Adorer Allah et délaisser le taghout. Et le verset que Cheikh Saadi l'a cité, عبدوا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غيره. قال والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات والسنة كذلك. نعم القرآن du début à la fin, كما قال الشيخ سعدي هنا وكما قال قبله الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله توحيد du début à la fin. Prends l'exemple de sourate الفاتحة, كلها توحيد. قوله الحمد لله رب العالمين c'est du توحيد, أي أن الله سبحانه وتعالى c'est رب العالمين, أي رب الجميع, c'est le créateur de tout le monde. عز وجل, celui qui gère tout, celui qui donne, celui qui élève, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, سبحان. قوله الرحمن الرحيم توحيد, أن الله سبحانه وتعالى c'est الرحمن الرحيم, et sa miséricorde elle englobe tout, سبحانه وتعالى. قوله مالك يوم الدين c'est du توحيد, أي tu dois te préparer pour ce jour, et ce qui te sauvera ce jour-là, يوم الدين, le jour du jugement, ça sera التوحيد. Et ce qui causera la perte de ceux qui auront tout perdu, c'est ceux qui auront contredit هذا التوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين, c'est هذا التوحيد العظيم, توحيد العبادة. إياك نعبد, أي on doit adorer Allah سبحانه وتعالى seul. فالقرآن من أوله إلى آخره c'est في هذه المسألة العظيمة. On doit lui donner de l'importance. On doit faire des efforts, comprendre كلام الله عز وجل. خاصة في هذا الباب, في باب التوحيد, العلماء والله الحمد, ils ont rassemblé beaucoup de versets de hadith dans des livres في التوحيد qu'on a étudié ensemble. قال وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة ذكر الأدلة النقلية عليها, فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن استيفاء بعضه, وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام وبعض ذلك كاف واف بالمقصود. Donc dans cette رسالة هنا il a montré le contenu de ce livre. أنه dans ce livre il ne va pas montrer les preuves du Coran et de la Sunna sur التوحيد. لا. ورحمه الله هنا il a précisé que certains savants ils ont écrit des livres في هذا. ومن أحسن الكتب ومن أفضل المؤلفات المختصرة dans ce باب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, كتاب نفيس جدا. Il a cité plusieurs chapitres, soit un peu plus de 60, et chaque chapitre avec des preuves من القرآن ومن السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. Un كلام très très simple, جميل. فالنصيحة c'est de donner de l'importance à هذا الكتاب, le mémoriser chacun selon ses capacités, l'étudier, l'apprendre, le relire et lire كذلك les explications des savants. أما الشيخ سعدي رحمه الله et il a une explication à la كتاب توحيد qu'on a étudié ensemble ولله الحمد. الشيخ سعدي dans cette رسالة رحمه الله il va pas citer les preuves du Coran et de la Sunna على التوحيد. هذا c'est معلوم, c'est واضح, les savants ils ont déjà écrit beaucoup في هذا الباب. قال ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقل من البشر, ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابذ للعقل والدين. لكن dans cette رسالة il a rassemblé plusieurs preuves من البراهين العقلية على وحدانية الله. Il a rassemblé plusieurs preuves de la raison, et la raison elle prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est unique. Et même من عاقل, et il accepte هذا. Même من عاقل, celui qui a la raison, il accepte. Celui qui rejette, فكما قال, ولا ينكرها إلا مكابر مستكبر. إلا celui qui a de l'orgueil, عياذا بالله. Sa raison, elle comprend et elle accepte, لكن هو, il ne peut pas accepter. لماذا؟ لأنه, il est orgueilleux. قال منابذ للعقل والدين. Et بعضهم, عياذا بالله, ils ont rejeté هذا, ils ont contredit leur raison. Et bien sûr, ils ont perdu leur religion. قال وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها ويذكر براهينها, ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه. Et ces preuves, vous allez voir, elles sont claires, ولله الحمد. خاصة encore plus pour le croyant. لكن كما قال الشيخ رحمه الله كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمان. لكن plus l'insan réfléchit sur ses preuves et il les connaît, sa foi elle va monter. Et si sa foi elle monte, بتوفيق الله عز وجل, il va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire des efforts dans l'adoration. Il va être motivé في العلم. Il va être motivé pour montrer هذا الدين. S'il est touché par une épreuve, il patientera. Il aura la conviction, la certitude que l'amr, il est biyadi Allah azza wa jal min qabl wa min ba'd. قال وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها. نعم. هذا الذي convient de citer. Et les fruits de هذا الإيمان, la reconnaissance, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la patience, etc. قال ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله الشك قال فاستفهموهم استفهام فاستفهامهم نعم أو فاستفهام فاستفهموهم فاستفهامهم نعم فاستفهموهم نعم سأمر قال فاستفهموهم استفهام تقرير فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته نعم أفي الله شك أي هؤلاء إذا أكسبت أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur, enfin, ça doit impliquer des choses. Ça doit impliquer des choses. Min ubudiyatin wa ta'atin wa istislamin. Falihada qala fa innahu mutaqarrirun fi qulub jami' al-'uqala al-i'tiraf bi rububiyyatihi wa wahdaniyyatihi. Ma min 'aqil. Bien sûr, les mu'minoun, même les kuffar, la grande majorité, ils acceptent hada. Leur raison, elle accepte, ils savent très bien qu'il y a un créateur. Lakin la bud من ثمرة هذا الإيمان. Le fruit de هذا الإيمان بالربوبية c'est توحيد الألوهية. Et dans cette رسالة رحمة الله عليه il a détaillé هذا avec un كلام جميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر. أي aujourd'hui la مقدمة. Et inshallah le prochain cours on commencera le premier chapitre. Un conseil à nos frères et à tous ceux qui assistent, annahum, ils suivent avec Rissal, avec le livre. Il y en a à Doros, pour bien profiter, il faut avoir un support. Wallah, ilhamd, le support, il est propagé sur Internet pour celui qui n'a pas le livre. Al-Barahin al-Aqliya de Sheikh Saadi, le livre, il est propagé partout, wallah, ilhamd. On conseille ceux qui assistent d'avoir le support, de prendre des notes, de réviser, d'être régulier, d'assister. Si celui qui désire assister au cours, il assiste du début à la fin, du début du cours, tous les jours. Aujourd'hui, un peu moins d'une demi-heure. Alhamdulillah, l'insan yastafid. Ne minimise pas cette demi-heure, que ce soit dans ce dars ou autre. On n'appelle pas les gens forcément à écouter ce dars là, on appelle les gens à étudier la science. Naam. Enfin, celui qui étudie la science, nasallahu subhanahu wa ta'ala, yuwaffiqa. Lakin ala kulli hal, un temps très court, مثلاً, si ça avec nous, une demi-heure, et l'insan yastavid, au jouran, awalan, tu es récompensé, bel, tu as une énorme récompense pour celui qui assiste, sincèrement, li wajhillah azza wajal, li anna, assister au cours, c'est min talab al-ilm, et talab al-ilm, il y a une énorme récompense, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, c'est la route du paradis. كم من أجور pour celui qui recherche la science. وهكذا تستفيد علما خاصة en lisant كلام أهل العلم comme ce savant الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تستفيد علما et بإذن الله عز وجل c'est une cause pour que ton إيمان il monte et لعل الله سبحانه وتعالى يتنسكري من الذاكرين. Et ceux qui ne sont pas insouciants, ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Rabbama, ce genre de d'oros, cette première étape, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes pour une seconde étape. Wa hakada l'insan, qalilan, amma perdre notre temps, laylan wa naharan, avec les téléphones, perdre notre temps, laylan wa naharan, sur les réseaux sociaux, un tel il a dit, fulan il va faire, kadhalik perdre notre temps, occuper plutôt notre temps du matin au soir, toute la semaine, fait dunya. Un travail, un deuxième travail, tomba dehors, tomba. Hada. On n'a pas été créé pour cela. Qala azza wa jal wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Comprendre et se rappeler des priorités, c'est min aham al-umur. Et ce livre, idhna azza wa jal, il va t'aider à hada. Ne pas oublier que tu es un bachar makhlouq, que tu as été créé pour quelque chose de précis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas créé que pour manger, pour dormir, pour travailler, pour faire ce qu'on veut nous et ça s'arrête là. Ayna haqqullah. C'est pour ça que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li Mu'adh radiyallahu anhu ma haqqullah 'ala al-'ibad. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait cette priorité à ses compagnons. Ay marra il a dit à Mu'adh alayhi salatu salam wa radiyallahu an Mu'adh wa an ghayrihi min ashab Rasulillah. Une fois, قال له ما حق الله على العباد. Ça nous montre quoi? C'est un enseignement pour te montrer les priorités. C'est quoi le haq d'Allah? On s'est déjà posé cette question, on doit se la poser. Allah subhanahu wa ta'ala, il a haq sur toi. Et il t'a créé les muhimmatin azim, pour quelque chose de azim. C'est pour ça que le mu'min, il doit faire attention à la yata'athar bil malahida. Il doit faire attention de ne pas vivre comme des athées, comme des kafaras, comme des mujrimin. C'est pour ça qu'on a fait cette introduction aujourd'hui. L'insan, si c'est un mu'min, la foi c'est dans le cœur et kadhalik, la foi c'est des paroles et c'est des actes. L'iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Donc on doit essayer de vivre comme un mu'min. On a des manquements, on a des faiblesses, il a akhali, lakin jamais d'ilm. Et jamais de rappel et on s'écarte à kada. L'insan yad'uf, yad'uf. Pourquoi? Parce que l'iman il monte, il descend. Et s'il ne monte pas, c'est qu'il descend. Et quand il descend, l'insan il est à la khatar, surtout à notre époque. Donc on doit donner de l'importance aux assises de Ahlul Ilm, les assises des savants, celui qui ne comprend pas le calame des savants. Enfin, alhamdoulilah, ce genre d'assises, on essaye de faciliter à nos frères pour avoir accès à calam Ahlul Ilm. Lakin, il faut de la inaya. Il faut de la inaya. Il faut faire des efforts. Il faut patienter, il faut s'accrocher. Ahlul Ilm, ce n'est pas un jour. Il y en a aujourd'hui, tu vas être motivé, demain, une chose. Et si l'insan n'est pas sérieux, il n'est pas reconnaissant envers un ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala peut retirer un ni'ma. Qala azza wa jalla in shakartum wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Ça montre quoi? Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une ni'ma, il te facilite, comme il nous a tous facilité l'an, wallahi alhamd, les moyens d'apprendre. On vit à une époque, tout est facilité. Tu peux lire, tu peux écouter, il y a des durus l'an, chacun est chez lui. Et il écoute, wallahi alhamd. Tu peux écouter un chez toi, un grand savant de la sunna, wallahi alhamd. Ou un frère qui s'entraide avec toi. Et tu es chez toi, wallahi alhamd. Tu n'as pas l'effort de te déplacer. C'est une ni'ma azim. Celui qui est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui ajoutera. La in shakartum la azidannakum. Celui qui est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui ajoute. Ou la in kafartum in azabi shadid. Celui qui tourne le dos, qui n'est pas reconnaissant, qui ne donne pas à la ni'ma sa juste valeur, aille lui donner du temps, mettre en application la régularité. Hada yurcha alayhi. Hada Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui retirer cette ni'ma. Enfin, on doit faire des efforts. Al-ilm, c'est pas un jour. Al-ilm, c'est pas deux jours. Kadhalik, on a déjà conseillé, al-ilm, c'est pas une simple écoute. Al-ilm, c'est une intention. Kama qala ba'd ulama, niyatun wa julusun wa sama'un wa amalun. L'ilm, c'est l'intention, c'est écouter, c'est prendre des notes, c'est la régularité, c'est mettre en pratique, c'est appeler les autres ou plutôt enseigner, propager ce que tu as appris. C'est ça l'ilm. Mais on a une époque, l'ilm, c'est devenu avec le téléphone, un petit message, un copier-coller. C'est pas ça l'ilm. On doit donner du temps aux assises. On doit ressentir, essayer de ressentir. Si vraiment on fait des efforts, est-ce que tu t'es déjà fatigué pour l'ilm, akhil karim? Comme il en a, tellement qu'ils font des efforts vite dunya, à la fin de la journée, ils n'en peuvent plus. Et c'est normal pour celui qui fait des efforts dans le dunya. Et c'est normal de travailler ila akhil. Lakin, on ne doit pas dépasser les limites via d'albab, hatta on n'a plus de place fil ilm. Ainsi, on retourne la question. Est-ce qu'on s'est déjà fatigué fil ilm et à la fin de la journée, khalas, tu ne peux plus bouger, tu espères qu'une chose, c'est dormir? Tu peux plus, tellement que tu as travaillé fil ilm. Le matin, tu as mémorisé, après tu as révisé, après tu as préparé, après tu as révisé ton cours, après tu as recopié tes notes, et après, à la fin, tu es fatigué. On a déjà ressenti ça. Si on n'a pas ressenti, on doit se poser des questions. L'ibad, li anna L'insan, il se fatigue pour une chose qu'il aime. Hadith, c'est une qaïda, prenez-la comme règle. Tout le monde se fatigue pour la chose qu'il aime. Mathalan, Wardenes, tellement qu'ils aiment le sport, ils se fatiguent pour le sport. Il va passer des heures dans la salle. Wardenes, tellement qu'ils aiment, ils ont une passion, le voyage, ils se fatiguent pour voyager. De pays en pays, de ville en ville. Wardenes, tellement qu'ils aiment l'argent, enfin, ils font beaucoup de sacrifices et ils se fatiguent. Wardenes, tellement qu'ils aiment le ilm, enfin, ils se fatiguent pour cela. Les Wardenes, ils connaissent le fruit. Enfin, même si on n'a pas atteint encore ce niveau, au moins provoquer la chose, il m'a faire le premier pas. Faire le premier pas et khassatan fi hadha al-bab. Ne crois pas que tu as l'abri. Ne crois pas que ce que tu as ça te suffira. Allahu a'lam. On sait pas la fin. Notre fin, elle sera comment? Innamal a'mal bil khawatim. On fait des efforts, il y a beaucoup d'ambiguïté. On fait des efforts pour apprendre. On est arrivé nous à un niveau au moins prendre les bases de notre dîn. Maintenant, ce livre qu'on va lire ensemble, Ibnullah Azzawajal, sur At-Tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au moins connaître ses bases. Thumma si, walillah, alhamdulillah, on a réussi à le finir et on a tenu un deuxième livre. Wahakada, wahakada, hatta l'insan, il ne peut plus se passer du ilm. Demande à un savant de la sunna d'arrêter l'ilm. C'est comme si tu lui demandais d'arrêter de manger et boire. Ben, si tu lui demandes d'arrêter de manger et de boire, Rabbama, il va arrêter. Il peut patienter un jour, deux jours. Amma l'ilm, العلم سي primordial pour المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع. Et ça c'est une فوائد الدروس en assistant à des cours catholiques, en fréquentant ceux qui aiment العلم et qui font des efforts pour le mettre en pratique, tu écouteras des نصائح. L'être humain il est là كذا. Peut-être que après ce conseil, on est motivé, il a arrêté. Dans quelques minutes, quelques heures, l'être humain, il est hakada, on retombe dans l'insouciance. Lakin, cours après cours, avec les bonnes fréquentations, on a des faiblesses, on se reprend. Et avec la bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide. Il guide al-mu'min al-mukhlis, celui qui est sincère. Naktafi bihada. Et inshallah, demain à 18h30, heure française, il y aura une kalima, une conférence, on ne fera pas cours. Comme on essaye de temps en temps le dimanche, vu que dimanche dernier on n'a pas fait, enfin demain on essaiera, 18h30 à la même heure, Inch'Allah. Et la lecture du livre, on reprend à partir de lundi, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.